FrenchPod.com. Je n'arrête pas de penser à Karine. Tu crois qu'elle m'aime ? Je ne sais pas. Prends cette fleur et retire les pétales un par un. Tu verras. Elle m'aime ? Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? À la folie ? Pas du tout. Waouh, quelle conne ! Calme-toi, elle n'a rien fait. Mais non, une abeille m'a piqué !